Et seul de tous les Grecs ne m'est-il pas permis d'ordonner d'un captif que le sort m'a soumis? Oui, Seigneur, lorsqu'au pied des murs fumants de Troie, les vainqueurs tout sanglants partagèrent leur proie, le sort, dont les arrêts furent alors suivis, fit tomber en mes mains Andromaque et son fils. Hécube près d'Ulysse acheva sa misère, Cassandre dans Argos a suivi votre père. Sur eux, sur leurs captifs, ai-je étendu mes droits? Ai-je enfin disposé du fruit de leurs exploits? On craint qu'avec Hector, Troie, un jour, ne renaisse. Son fils peut me ravir le jour que je lui laisse. Seigneur, tant de prudence entraîne trop de soin. Je ne sais point prévoir les malheurs de si loin. Je songe quelle était autrefois cette ville, si superbe en rempart, en héros si fertile, maîtresse de l'Asie. Et je regarde enfin quel fut le sort de Troie et quel est son destin. Je ne vois que des tours que la cendre a couvertes, un fleuve teint de sang, des campagnes désertes. Un enfant dans les fers, et je ne puis songer que Troie en cet état aspire à se venger. Ah, si du fils d'Hector la perte était jurée, pourquoi d'un an entier l'avons-nous différé? Dans le sein de Priam n'a-t-on pu l'immoler? Sous tant de morts, sous Troie, il fallait l'accabler? Tout était juste alors. La vieillesse et l'enfance, en vain sur leur faiblesse, appuyaient leur défense. La victoire et la nuit, plus cruelles que nous, nous excitaient au meurtre et confondaient nos coups. Mon courroux au vaincu ne fut que trop sévère. Mais que ma cruauté survive à ma colère, que malgré la pitié dont je me sens saisir, dans le sang d'un enfant, je me baigne à loisir. Non, Seigneur, que les Grecs cherchent quelque autre proie, qu'ils poursuivent ailleurs ce qui reste de Troie. De mes inimitiés le cours est achevé. L'Épire sauvera ce que Troie a sauvé. Seigneur, vous savez trop avec quel artifice un faux Astyanax fut offert au supplice où le seul fils d'Hector devait être conduit. Ce n'est pas les Troyens, c'est Hector qu'on poursuit. Oui, les Grecs sur le fils persécutent le père. Il a par trop de sang acheté leur colère. Ce n'est que dans le sien qu'elle peut expirer. Et jusque dans les pires, il les peut attirer. Prévenez-les. Non, non, j'y consens avec joie. Qu'ils cherchent dans les pires une seconde Troie. Qu'ils confondent leur haine et ne distinguent plus le sang qui les fit vaincre et celui des vaincus. Aussi bien ce n'est pas la première injustice dont la Grèce d'Achille a payé le service. Hector en profita, Seigneur. Et quelque jour, son fils en pourrait bien profiter à son tour. Ainsi, la Grèce en vous trouve un enfant rebelle. Et je n'ai donc vaincu que pour dépendre d'elle. Hermione, Seigneur, arrêtera vos coups. Ses yeux s'opposeront entre son père et vous. Hermione, Seigneur. Peut m'être toujours cher, je puis l'aimer sans être esclave de son père, et je saurai peut-être accorder quelque jour les soins de ma grandeur et ceux de mon amour. Vous pouvez cependant voir la fille d'Hélène. Du sang qui vous unit, je sais l'étroite chaîne. Après cela, Seigneur, je ne vous retiens plus, et vous pourrez aux Grecs annoncer mon refus. Ainsi, vous l'envoyez aux pieds de sa maîtresse. On dit qu'il a longtemps brûlé pour la princesse. Mais si ce feu, Seigneur, vient à se rallumer, s'il lui rendait son cœur, s'il s'en faisait aimer... Ah, qu'il s'aime, Phénix, j'y consens, qu'elle parte, que charmés l'un de l'autre, ils retournent à Sparte. Tous nos ports sont ouverts, et pour elle, et pour lui. Qu'elle m'épargnerait de contraintes et d'ennuis. Seigneur, une autre fois je t'ouvrirai mon âme. Andromaque paraît. Me cherchiez-vous, madame? Un espoir si charmant me serait-il permis? Je passais jusqu'aux lieux où l'on garde mon fils. Puisqu'une fois le jour vous souffrez que je vois le seul bien qui me reste, et d'Hector, et de Troie, j'allais, Seigneur, pleurer un moment avec lui. Je ne l'ai point encore embrassé d'aujourd'hui. Ah, madame, les Grecs, si j'en crois leurs alarmes, vous donneront bientôt d'autres sujets de larmes. Et quelle est cette peur dont leur cœur est frappé, Seigneur? Quelque Troyen vous est-il échappé? Leur haine pour Hector n'est pas encore éteinte. Ils redoutent son fils. Digne objet de leur crainte, un enfant malheureux qui ne sait pas encore que Pyrrhus est son maître et qu'il est fils d'Hector. Tel qu'il est, tous les Grecs demandent qu'il périsse. Le fils d'Agamemnon vient hâter son supplice. Et vous prononcerez un arrêt si cruel? Est-ce mon intérêt qui le rend criminel? Hélas, on ne craint point qu'il venge un jour son père, on craint qu'il n'essuyât les larmes de sa mère. Il m'aurait tenu lieu d'un père et d'un époux, mais il me faut tout perdre, et toujours par vos coups. Madame, mes refus ont prévenu vos larmes. Tous les Grecs m'ont déjà menacé de leurs armes. Mais dussent-ils encore, en repassant les eaux, demander votre fils avec 1000 vaisseaux? Coûta-t-il tout le sang qu'Hélène a fait répandre? Dussé-je, après 10 ans, voir mon palais en cendres? Je ne balance point, je vole à son secours. Je défendrai sa vie aux dépens de mes jours. Mais parmi ces périls où je cours pour vous plaire, me refuserez-vous un regard moins sévère? Haï de tous les Grecs, pressé de tous côtés, me faudra-t-il combattre encore vos cruautés? Je vous offre mon bras, puis-je espérer encore que vous accepterez un cœur qui vous adore? En combattant pour vous, me sera-t-il permis de ne vous point compter parmi mes ennemis? Seigneur, que faites-vous et que dira la Grèce? Faut-il qu'un si grand cœur montre tant de faiblesse? Voulez-vous qu'un dessein, si beau, si généreux, passe pour le transport d'un esprit amoureux? Captive, toujours triste, importune à moi-même, pouvez-vous souhaiter qu'Andromaque vous aime? Quels charmes ont pour vous des yeux infortunés qu'à des pleurs éternels vous avez condamnés? Non, non d'un ennemi, respecter la misère, sauver des malheureux, rendre un fils à sa mère, de 100 peuples pour lui combattre la rigueur, sans me faire payer son salut de mon cœur, malgré moi, s'il le faut, lui donner un asile. Seigneur, voilà des soins dignes du fils d'Achille. Et quoi? Votre courroux n'a-t-il pas eu son cours? Peut-on haïr sans cesse? Et punit-on toujours? J'ai fait des malheureux, sans doute. Et la Phrygie 100 fois de votre sang a vu ma main rougie. Mais que vos yeux sur moi se sont bien exercés, qu'ils m'ont vendu bien cher les pleurs qu'ils ont versés, de combien de remords m'ont-ils rendu la proie? Je souffre tous les maux que j'ai faits devant Troie. Vaincu, chargé de fer, de regrets consumés, brûlé de plus de feu que je n'en allumais, tant de soins, tant de pleurs, tant d'ardeurs inquiètes. Hélas, fus-je jamais si cruel que vous l'êtes? Mais enfin, tour à tour, c'est assez nous punir. Nos ennemis communs devraient nous réunir. Madame, dites-moi seulement que j'espère. Je vous rends votre fils et je lui sers de père. Je l'instruirai moi-même à venger les Troyens. J'irai punir les Grecs de vos maux et des miens. Animé d'un regard, je puis tout entreprendre. Votre Ilion encore peut sortir de sa cendre. Je puis, en moins de temps que les Grecs ne l'ont pris, dans ses murs relevés, couronner votre fils. Seigneur, tant de grandeur ne nous touche plus guère. Je les lui promettais tant qu'a vécu son père. Non, vous n'espérez point de nous revoir encore, sacré mur que n'a pu conserver mon Hector. À de moindres faveurs des malheureux prétendent, seigneur, c'est un exil que mes pleurs vous demandent. Souffrez que loin des Grecs, et même loin de vous, j'aille cacher mon fils et pleurer mon époux. Votre amour contre nous allume trop de haine. Retournez, retournez à la fille d'Hélène. Et le puis-je, madame? Ah, que vous me gênez! Comment lui rendre un cœur que vous me retenez? Je sais que de mes vœux on lui promit l'empire. Je sais que pour régner, elle vint dans les pires. Le sort vous y voulut l'une et l'autre amener. Vous, pour porter des fers, elle, pour en donner. Cependant, ai-je pris quelque soin de lui plaire? Et ne dirait-on pas, en voyant au contraire vos charmes tout-puissants et les siens dédaignés, qu'elle est ici captive et que vous y régnez? Ah, qu'un seul des soupirs que mon cœur vous envoie, s'il s'échappait vers elle, y porterait de joie. Et pourquoi vos soupirs seraient-ils repoussés? Aurait-elle oublié vos services passés? Troie, Hector, contre vous, révolte-t-il son âme? Aux cendres d'un époux doit-elle enfin sa flamme? Et quel époux encore? Ah, souvenir cruel! Sa mort seule a rendu votre père immortel. Il doit au sang d'Hector tout l'éclat de ses armes, et vous n'êtes tous deux connus que par mes larmes. Eh bien, madame, eh bien, il faut vous obéir. Il faut vous oublier, ou plutôt vous haïr. Oui, mes vœux ont trop loin poussé leur violence pour ne plus s'arrêter que dans l'indifférence. Songez-y bien, il faut désormais que mon cœur, s'il n'aime avec transport, haïsse avec fureur. Je n'épargnerai rien dans ma juste colère. Le fils me répondra des mépris de la mère. La Grèce le demande, et je ne prétends pas mettre toujours ma gloire à sauver des ingrats. Hélas, il mourra donc. Il n'a pour sa défense que les pleurs de sa mère et que son innocence. Et peut-être, après tout, en l'état où je suis, sa mort avancera la fin de mes ennuis. Je prolongeais, pour lui, ma vie et ma misère. Mais enfin, sur ses pas, j'irai revoir son père. Ainsi, tous trois, seigneur, par vos soins réunis, nous... Allez, madame, allez voir votre fils! Peut-être en le voyant, votre amour plus timide ne prendra pas toujours sa colère pour guide. Pour savoir nos destins, j'irai vous retrouver. Madame, en l'embrassant, songez à le sauver. »